بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية في اليمن. على plaisir de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة ستة مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 6. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد الملك غزم إذا استطعت من بداية الكتاب pour les frères qui n'ont pas fait depuis le début, بعض الإخوة ils n'étaient pas là. إذا استطعت tu résumes la رسالة مقدمة et الموضع الأول حتى si on continue ils arrivent à suivre. تفضل. Commence par le titre. Mada, c'est quoi le sujet de la risala? Thumma al-muqaddima ila akhirih. Sittat mawadi' ala sirat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dhakara al-mu'allif yubayyin anna min asbab al-huda ba'd ad-du'a an ta'raf sirat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ahsan, le titre sittat mawadi'. On a dit, on a vu anna al-mu'allif il a choisi 6 points de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au tawhid. Mais ça c'est muhim jiddan. On avait dit, avec ce livre, on applique ce qu'on a appris dans les doros de Tawhid. Et on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie, comment il a appliqué. Sittatu mawadi', 6 points de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la muqaddima, mada? Muqaddima dhakara anna al-asbab, aywa kama hu al-asbab. Na'am. Aw al-asbab al-hidaya, wa istaqama al-tawhid, wa ijtinab al-shirk, wa ma'rifatu قصة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت أن من أعظم أسباب الهداية بعد توفيق الله والدعاء والإخلاص إلى آخره. Parmi les causes qui vont te faciliter en ta comprendre ton din, connaître la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. لأن on avait Cheikh Al-Fawzan plutôt il avait expliqué. عليكم السلام. Il avait expliqué أن le prophète عليه الصلاة والسلام c'est notre exemple. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Anta, tu ne peux pas suivre cet exemple, ce modèle, illa si tu le connais. Et Anta, pour connaître le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu connaisses As-Sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait fait un tambih fi As-Sira, tfaddal huna, wassi'u un peu, hatta yadkhul. Il avait donné un tambih tayyib nour, fi As-Sira, pour la connaître. Il faut quelque chose d'important par rapport au kutub de As-Sira. Tu lis tout? Là. Famada. Tu lis les kutub de la sunna. Ahsan, tawalan, tu lis les kutub des gens de la sunna. Il y en a بعض اهل الضلال ils écrivent le sira. Al-Munharif al-Za'ir al-Ghazali, il a écrit un livre le sira. Il prend la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il distingue pas le vrai du faux, le sahih du pas sahih et il comprend, il appelle à son égarement avec des points de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Awalan anta tu prends la biographie des salaf. سيرة ابن إسحاق سيرة ابن هشام زاد المعاد ابن القيم الفصول والسيرة النبوية للإمام ابن كثير ومختصر السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهكذا صحيح السيرة للإمام المحدث الشيخ الألباني رحمه الله وهكذا كذلك dans les livres de السيرة tu dois faire attention à une chose. ماذا؟ continue نور تذكر أحسنت الضعيف. Là-bas, tu distingues le sahih du ta'if. Dès qu'on dit, tu prends les livres de la sunna, crois pas que les livres de la sunna, il y a que des hadiths sahih. Là, في سيرة ابن إسحاق, سيرة ابن هشام, في زاد المعاد, في السيرة النبوية لابن كثير, في البداية والنهاية, tous ces livres, c'est des livres de l'aïmat sunna. Lakin, l'authenticité, c'est une autre chose. Enfin, l'imam, il peut se tromper, il peut croire qu'il est sahih alors qu'il est ta'if. Enfin, anta, il faut bien distinguer. Il faut bien distinguer. Je suis un débutant, comment je veux faire pour distinguer? On a dit que tu t'aides des tahqiq. Il y a des savants, mais le tahqiq, Cheikh Al-Albani, ou Sahih Al-Sira, Cheikh Al-Albani, il a fait un travail. Un tas, tu es débutant, tu profites. Il t'a facilité. Il a étudié l'ilm, il a étudié la science du hadith, il a akhiri. Il peut faire des recherches. Maintenant, si tu as ça, est-ce qu'elle est Sahih Hamla, il a akhiri. Et s'il a un problème, il a un doute, il demande. Thumma, on a vu la muqaddima, c'était sur ça. Thumma, on a vu le premier point. Al-mawdi' al-awwal. C'est quoi le mawdi' al-awwal en résumé? Al-mawdi' al-awwal, anna al-mu'allif dhakara قصة نزول الوحي وهي الآية يا أيها المدثر قم فانذر يا أخليني. Et Ahsan, al-Mawdi' al-Awwal, le premier point qu'il va nous citer, on a dit les six points qu'il va citer, c'est en relation avec Tawhid. Le premier point, rahimahullah, qu'il a cité, c'est Qissat Nuzul Jibra'il alayhi salam ala Nabiina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alaykum salam. Ça, c'est le premier point. Premier point de la biographie. Et c'est le début de la biographie. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa naissance et l'akhirah et le début de la révélation. C'est ça le premier point important, la révélation. Yarhamukallah. Aïna al-alaqa bayna al-mawdi' al-awwal wa mas'alat al-tawhid. Il est où le lien entre ce point qu'il a cité, l'histoire quand Jibra'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte, et avec tawhid. C'est quoi la relation? أنا في بداية الوحي أنا ظل النبي يقول إنذر أحسنت. سكوا الآية يا أيها المدثر, سكوا الشاهد أحسنت, والرجز فهجر. ما معنى الرجز؟ معنى الأصنام. الأصنام أحسنت أحسنت. الاستمرار في الدروس يا إبراهيم, الريغولاريتي في الدروس. Ça c'est des petits défis يا جماعة. Si tu loupes deux doros, c'est fini. Tu vas trop louper. L'un, on vous rattrape, nahnou, ce qu'on a fait. On ne pourra pas faire ça tous les jours. Amma, tu viens un jour, tu viens pas un jour, ça t'aide, c'est une petite risala. Si tu loupes un cours, tu vas louper 10 pages peut-être. Khalas, tu as loupé le tiers de la risala. Comment tu vas faire pour eux? Al-istimrar, ya jama'a. Al-istimrar. Farruj, c'est l'asna. Maintenant, on a conclu l'un. Si on a compris ce verset, on a compris que Jibril, il est venu voir le prophète alayhi salam. Premier jour, le début de la révélation, il lui révèle un verset, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq ila akhir. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam retourne chez lui, on a expliqué l'histoire, il a eu peur, il a akhiré, et il tremblait, il a demandé à sa femme Khadija de le couvrir, radiyallahu anha, elle l'a couvert. Jibril, il revient une deuxième fois, il lui dit, ya ayyuha al-muddathir. Al-muddathir, c'est celui qui est couvert. Qum fa'andir, lève-toi et avertis, fais da'wa. C'est quoi cette da'wa? Warruj fahjur. Enfin, qu'est-ce qu'on a conclu de tout ça? المؤلف يريد يبين ان قبل ما يحرم الله عز وجل الزنا وسائر المعاصي بدا بالشرك. احسنت. Ça nous montre, on retient ce point, ان la da'wa du prophète عليه الصلاه والسلام, c'est la première chose de mettre en garde contre le shirk. لان celui qui a du shirk, ou s'il fait le salat, il fait le hajj, il fait ce qu'il fait, c'est pas accepté. Ou alors il s'écarte de zina, ou alors le shirk ça lui annule tout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par l'essentiel. Warruj de fahjur. Kuffar Quraysh, awalan, il s'enlève, il s'écarte de l'adoration des statues. Awalan. Tumma, la da'wa avance. Amma, ils adorent les statues, ça sert à rien, tu peux pas aller plus loin. Abadan. C'est ça la conclusion de ce point. Et il est important. Nous, on revient à nous. Si tu lis la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là le but. On l'avait vu dans l'introduction, Al-Nashir Fawzan nous a montré le but de lire la biographie, c'est pas une histoire. C'est pas pour passer le temps. C'est pas un loisir. C'est un mode de vie pour toi. Tu lis, tu comprends le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu essayes de suivre. Ya ayyuha alladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Tu dois obéir, tu dois suivre. Enfin, pour suivre, il faut connaître. Enfin, si tu lis le début de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'as compris cette mas'ala azim. Je m'écarte du shirk et j'adore Allah seul. Et si quelqu'un fait du shirk, je m'en garde. Enfin, c'est un point azim. Enfin, comme les gens, ils lisent la sira nuit et jour. Et tu les trouves, ils font du shirk, ils ne font pas de shirk, mais ceux qui font du shirk, ça ne le dérange pas. Ça, il a un problème. Il a lu la biographie, mais il n'a pas compris comme ils ont compris cela. Nous, on doit lire, comprendre et appliquer. Amma, lire pour passer le temps, ça, il n'y a pas de faïda. Abadan. Même si c'est une hujja contre la personne. C'est une preuve, Yom Qiyama, ce sera un argument contre lui. Tu as lu et tu n'as pas appliqué. Tu n'as pas d'excuse. Hada. Faliyom, bi'idnillah, on finit. Le premier point. Un mal résumé, c'est ce qu'on a cité. Qala al-imam Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa arafta أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم. نعم. On avait cité أن connaître la situation des kuffars de Quraysh, c'est important. Comme ça, tu comprends la da'wah du prophète عليه الصلاة والسلام. Fa kuffar Quraysh, le prophète عليه الصلاة والسلام, son peuple, ils adoraient des statues. Et ils adoraient des anges, ils adoraient des awliya. Les juifs, les chrétiens, ils adorent Isa, les juifs, ils adorent Uzayr. Al-Arab, Kuffar, Quraysh, ils adorent Al-Lat, Al-Uzza. Il y a des personnes, ils adorent le Malaika, il est akhir. Ça, c'est mohim. Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas différencié. Il n'a pas dit ceux qui adorent Isa ou ceux qui adorent les prophètes, c'est pas grave. Et ceux qui adorent les pierres, c'est du shirk. Abadan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les a tous combattus. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre tous. وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَهَذَا Ça c'est mohim. لأن بعض الناس, comme on a vu détaillé dans كشف الشبهات, بعض الناس ils ont une شبهة أن الشرك c'est adorer les statues فقط. مثلا il adore une tombe, il adore un mort, il adore Sidi Fulan, il égorge pour lui, tu lui dis تَقِلَّه. Les Nasara ils adorent Isa, toi t'adores une tombe. Il dit là, moi je fais pas du shirk, moi j'adore pas une statue. Hada, il n'a pas compris le tawhid, il n'a pas compris le shirk. Fa, Cheikh l'Islam, il va appuyer sur cette mas'ala. Qala Cheikh l'Fawzan, kanu fil jahiliya, mutashattitin fi ibadatihim, wa ma'budatihim, minhum an ya'budu al-malaika, wa minhum an ya'budu al-salihin, wa minhum an ya'budu al-ashjar, wal-ahjar, wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam lam yufarriq baynahum, bal nahahum jami'an, wa qatalahum jami'an. Na'am. Kama qala azza wa jal, wa qatiluhum, حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا pas différencié, les a tous combattus. قاتلوهم جميعا. قال لم يفرق بين من عبد الملائكة والصالحين ومن عبد الأصنام لأن الكل سواء. لأنه لا فرق بين من يعبد صنما ومن يعبد وليا أو عبدا صالحا. لا pas de فرق. Aucune différence. Une personne adore une statue ou il adore un ange. لأن les deux ils adorent autre qu'Allah. Adorer une personne qui a un rang élevé, ça ne fait pas sortir la personne du shirk. Abadan. Celui qui adore autre qu'Allah, ou il adore Allah, il adore un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait du shirk. Il adore un caillou, il adore le soleil, il adore un ange, un prophète, un homme pieux, c'est du shirk. Mais ma'ad aliyana al-ibada, c'est haqqul lillah. Tu dois faire cette ibada que pour Allah. Si cette ibada, elle est faite pour autre qu'Allah, khalas, c'est shirk. C'est le shirk. Si tu as compris هذا, ayyuh al-muslim, tu as compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a tous combattus, comme c'est cité dans sa biographie, anta, tu fais attention de ne pas tomber fi هذا. Tu fais attention de ne pas tomber fi shirk. Si tu tombes fi shirk, il n'y a aucune différence entre toi, un chrétien, un juif. هذا c'est un mushrik, هذا c'est un mushrik, هذا c'est un mushrik. هذا c'est muhim. هذا c'est muhim, lakin kathir min al-nas. يعني لا يفهمون هذا. Par des nas, ils n'arrivent pas à faire la différence. Comment tu compares une personne qui adore un prophète avec une personne qui adore un caillou ou une statue? Bah, les gens, ils ne comprennent pas. Les malades, les anna, ils croient que si tu n'adores pas le prophète, tu critiques le prophète. Ça, c'est khata. Mais dès qu'on dit c'est la même chose, ça ne veut pas dire que le prophète, il est comme le caillou. Ma'adallah. Le prophète, c'est Ashraf al-Khalq. Lakin, le fait d'adorer autre qu'Allah, celui qui adore un prophète, il adore autre qu'Allah. Et le prophète lui-même, il t'a mis en garde. La taj'alu qabri wa thalan yu'bad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit que sa tombe soit adorée. Interdit que sa tombe, ça devient, on fait l'Eid. Enfin, différence bien, hada. Mais nous, on ne parle pas de la chose. Dès qu'on dit qu'il n'y a aucune différence. On ne dit pas un ange, c'est comme un caillou. Abadan. Mais nous, on parle de l'acte. L'acte adoré autre qu'Allah, c'est haram. Qu'il adore un caillou ou un ange, il adore autre qu'Allah. Hada. Et tout ça, on l'a expliqué, wallah ilham fi al-qa'id arba'a kathiran, et fi kashf shubuhat. Qala, rahimahullahu ta'ala. أي شيخ الإسلام في المتن قال ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم. قال الشيخ الفوزان يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا قصدهم. نعم سسا لبد مشرك يفز غاب خشد الله إلا دع أطر كالله فز غاب خشد الله. Malgré tout ça, on a déjà expliqué plusieurs fois, c'est pas une excuse. Le fait d'adorer autre qu'Allah, tu n'as pas le droit. Que la personne il a une bonne niya, une mauvaise niya, il n'a pas le droit. قال تقربوا إلى الله بعبادتهم هؤلاء. ما قصدهم الشرك. وإذا كانت الأفعال شركا وكفرا فلا ينظر إلى المقاصد هل هي حسنة أو ليست حسنة أبدا. Une personne مثلاً qui boit de l'alcool, il a fait du haram. Qu'il ait une bonne intention ou une mauvaise intention. مثلاً واحد يدي أنا بوي دالكول. Je sais que c'est haram. لكن mon intention c'est pas que de mettre en colère Allah. T'as l'intention de mettre en colère Allah ou pas, ce que t'as fait c'est haram, ça met Allah en colère. Dans le haram, c'est important, tu ne regardes pas l'intention. Ah ou j'ai pas voulu, ah ou abadan. Si t'as fait haram, tu fais de taouba. Et tu refais plus. Amma ton intention, là. Là. Qala, rahimahullah ta'ala, wa ma'a hadha bada'a bil indhar anhu fi awwal aya, arsalahu Allah biha, fa in ahkamta hadhi al-mas'ala, fa ya bushrak. Na'am. Avec tout ça, anta t'as compris l'an. Un kuffar Quraysh, il faisait zina. Il buvait de l'alcool, al-khamr. Il pratiquait le riba. Il a akhiré. Avec tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, c'est de mettre en garde contre le shirk. Ça te montre que la mise en garde contre le shirk, ça pense avant tout ça. Maintenant, on sait que le Coran et le Sunnah nous ont montré que celui qui veut être musulman, il s'écarte du shirk, il adore Allah seul. C'est un musulman. Il pratique qawl la ilaha illallah. Personne ne mérite d'être adoré excepté Allah. Hada c'est un musulman. Il le dit et il le fait. Amma, il ne mange pas de porc. Il ne boit pas d'alcool. On rajoute, il fait siyam. Tumma, il fait du shirk. Il n'adore pas Allah seul, c'est pas un musulman. Ou alors c'est un non-musulman. Là, c'est pas un musulman. Abadan. Abadan. Il y en a notre din, il est bâti sur une aqida. Sur des œuvres. Pas hakada, c'est pas une étiquette. Ou c'est pas une origine, ou c'est pas héréditaire, contrairement à ce que certains ignorants y pensent. Qala, Cheikh Al-Fawzan, idha fahimta hadhi al-mas'ala, anna awwal ma yu'mar bihi at-tawhid wa awwal ma yunha 'anhu ash-shirk fa innahu la fa'idata fi salah baqi al-umur ma'a fasad al-'aqidah. C'est ça qu'on retire de ce point, nous. C'est ça que tu comprends du début de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anna kuffar Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rien accepté d'eux, les annahum, ils ont pas délaissé le shirk. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala قال وَالرُّزَّ فَهْجُرْ. La première chose, tu dois t'écarter du shirk. J'adore pas de tombe, j'adore pas d'ange, j'adore pas de Sidi Foulan, j'adore pas un prophète, j'adore pas un caillou, abadan, j'adore Allah seul. عَزَّ وَجَلْ قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ. Toutes mes œuvres c'est لله لا شَرِكَ لَهُ. فأنت, si t'as compris ce point, c'est une ni'ma. قال واول ما ينهى عن الشرك فانه لا فائده في صلاح لا فائده في صلاح باقي الامور مع فساد العقيده هذه مساله عظيمه ومطلب عظيم يجهله كثير ممن ينتسبون الى الاسلام اليوم. Et c'est ça la catastrophe qui nous a atteint la communauté الان ان كما قال شيخ فوزان كثير beaucoup de musulmans. C'est un musulman, هو في الصلاه شهاده الى ما الله الى le prophète, lakin son ignorance, il ne connaît pas cette chose. Le premier point de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il aime ce prophète. Il lit la biographie, ou il écoute. Lakin, aïna al-fahm. Aïna al-fahm. En ta la biographie, tu dois la comprendre avec la compréhension des savants. On dort, nous, sur l'islam, comme il nous a facilité la chose. Un point, il a cité. On dort. Un point. Tu trouves des livres de Sira, ils sont plusieurs volumes. Des personnes ils lisent sans la compréhension des savants et l'akhiri, des volumes ils lisent, à la fin, aucune faïda. Bel Badom il lit et il comprend dalal. Il comprend certaines choses, il a le droit de faire ce qu'il a, il a le droit de faire qu'il a. Amma Andr, on a lu quelques pages, la faïda azim. C'est ça, barakat l'im et barakat sunnah. Il y a de la baraka. Un petit peu, ça fait toute ta vie. Pas besoin d'aller plus loin, l'un. On a vu le premier point, est-ce qu'on l'applique comme là? Si on l'applique, on continue. Amma si on arrive là, maintenant, le foulan il fait du shirk, il a créé, ça ne sert à rien de lire. Enlève ce shirk que tu as. Amma tu lis la biographie, t'aimes le prophète, ça ne te servira à rien, yom qiyama. Les anna, t'associes à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Fa, rahimahullah, c'est une risala azima. Sahih, c'est une risala azima. Fa, al-muslimoun, wa min bab awla talabat l'ilm al-du'at, ils doivent donner de l'importance à mitla hadi al-kutub. Mitla hadi al-kutub. Khasatan, cette risala, t'arrives à enseigner le tawhid avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ils aiment bien la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans ils aiment bien, ils sont attirés par. Fa anta ayyuha da'i avec story sala t'en profites. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu leur cites les points comme on a cité le premier point, le début de la révélation, et en même temps da'wa ila tawhid. Fa c'est nafi'. L'inaya bi hadhihi ar-risala, l'inaya. قال شيخ الفوزان فإذا فهمته فيا بشراك بالعلم النافع. Si tu as compris ce premier point, فيا بشراك كما قال شيخ الفوزان. البشرة c'est la bonne nouvelle. Wallahi, si tu as compris ce premier point, et wallahi alhamd, tu l'appliques, ça c'est une bouchra pour toi. C'est une bouchra. Celui qui applique ce point et meurt en appliquant ce point, il fait partie des gens du paradis bi idnillah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-janna. Celui qui dit la ilaha illallah sincèrement avec son cœur et s'écarte du shirk et meurt à la tawhid, il fait partie de ahl al-janna. Ça c'est une bouchra. C'est une bouchra. Lakin i'lam anna cette bonne annonce hadi, elle implique des choses. Awalan, tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois être reconnaissant. Ash-shukr. Tu dois être reconnaissant. Lianna, c'est min ni'amillah azza wa jal. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité. Comme il y a il n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il connaît l'arabe mieux que toi. Peut-être qu'il est plus ancien que toi dans l'islam. Il n'arrive pas à comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas guidé. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a facilité, il a rire, il t'a compris. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, si t'as compris ce premier point, c'est min afdal ni'am alayk. Wallahi, c'est mieux que la bonne santé, c'est mieux que l'argent, c'est mieux que ce point, bi idnillah, c'est ce qui va te sauver yawm al-qiyam. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yatawaffana ala al-ikhlas. Kadhalik ce qui va impliquer les choses qui vont impliquer cette bonne nouvelle, anta, c'est que tu fais profiter les autres. Allah subhanahu wa ta'ala est ta facilité. T'as compris. Al-an, tu dois faire da'wa ya akhi. Autant que tu veux. Autant que tu peux. T'as compris, hada, tu transmets. Tu transmets à ta famille, tu transmets à tes proches, tu transmets à tes amis. Wa hakada. Le ilm, l'ihlou, on l'applique pas, il reste dans ton cœur. Faqat la. Dans ton cœur et tu fais profiter les autres. Fa'anta al-an, tu sais que c'est une ni'ma. Fais profiter les autres. La yumun wahidukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Les musulmans ne connaissent pas ça. Tu transmets, jazakallah ou khayr. Les limites, ce que tu connais. Transmettre ça maintenant, il n'y a pas besoin de traiter un savant, de connaître kada. Tu connais un délit. Il y a Ayyuhal Muddattir, le verset qu'on a cité. Tu lui expliques l'histoire, le début de la révélation. Tu lui expliques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa révélation, elle est bâtie sur ça. Appeler au tawhid, mettre en garde contre le shirk. Et une conclusion, anna, moi je suis un musulman, je dois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dois faire pareil. Tayyib. قال شيخ الإسلام رحمه الله خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس. قال الشيخ الفوزان ليس بعد هذه المسألة التي هي التوحيد أعظم من الصلوات الخمس. إذا نغاجوت إن شوز الآن si t'as compris l'importance du tawhid, la gravité du shirk, le prophète صلى الله عليه وسلم c'est la première chose qu'il a appelé ce tawhid إلى آخره. أنت الآن Cheikh l'Islam, il va te donner une comparaison avec la salat. La salat, t'as l'amour, c'est le deuxième pilier de l'Islam. Comme dans le hadith d'Ibn Umar, le Nabi s.a.w. a dit, « Bunya l'Islam ala khans, shahadati an la ilaha illallah, wa iqamati salat. » Deuxième pilier. Celui qui n'a pas de salat, il n'a pas d'Islam. Comme a dit le Nabi s.a.w. « Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum al-salat, fa man tarakaha faqad kafar. » Umar radiyallahu anhu, il a dit, « La hadd l'Islam li man taraka al-salat. » Celui qui délaisse salat, il n'a aucune part dans l'islam. Tellement qu'elle est importante, salat, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a rendu obligatoire directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qissat l'Isra wal Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On revient à notre mas'ala tawhid. Cette salat, qu'on va voir là, elle a été rendue obligatoire, comme ta'lamoun, la 10e année de l'Hijra. C'est-à-dire 10 ans après l'histoire de Jibril, qu'on a vu. 10 ans entre l'histoire de Jibril, la première révélation, Ya Ayyuhal Muddathir, et Isra wal Mi'raj, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté dans les cieux, Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu obligatoire la salat. 10 ans. Ça te montre l'importance du tawhid. Ça te montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les gens à Hada pendant 10 ans. Une fois qu'ils ont compris le tawhid, ils l'ont suivi à salat. Amma, بعض الناس الآن, ils ne comprennent pas mithla hadhihi al-umur. Je le vois, Hiyalan, dès que Fulan se convertit. Badanas, Fulan se convertit, il lui parle ni de tawhid, ni de shirk, ni de rien du tout. Les Asad Badom, il ne leur parle même plus de salat. Ou alors, si tu lui parles de salat directement et il ne nettoie pas sa aqida, son tawhid, s'il a du shirk, ça ne lui sert à rien, salat. Mais Badanas, comme ils ont une méthode adib. واحد يفوز كونفيرتير يلو دان نون دو مسلم انتهى سي نوت فرير لا il a une bonne intention لكن il faut qu'il apprenne. Peut-être qu'on va lui expliquer din l'islam, il voudra pas. On va lui dire peut-être, pour être un musulman, tu dois témoigner que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Ça implique que les juifs et les chrétiens, c'est des kuffars. Les annahoum, ils adorent autre qu'Allah. Tu dois croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu dois kada, kada. Peut-être que tout ça, il va dire, là, là, là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 10 ans, ils sont à l'aqida sahiha, après toutes les œuvres, ça va arriver. Toutes les œuvres, ça va arriver. Fahakada nahnu. Hakada nahnu. On purifie notre aqida et on fait des œuvres. Amma, des œuvres avec une mauvaise aqida, ça n'a aucune utilité. Des œuvres avec du shirk akbar, aucune utilité. Abadan. Dès qu'on dit mauvaise aqida et shirk akbar. Qala, Cheikh al-Fawzan, hafidahullah. أي ليس بعد هذه المسألة التي هي التوحيد أعظم من الصلوات الخمس لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين كما في حديث ابن عمر قال ومع هذا لم يأمر الله عز وجل بالصلوات الخمس إلا قبيل الهجرة نعم جست قبل الهجرة لا ديزيماني قال في الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يأمر بالصلاة نعم 13 ans لكن سيأتي أن لا ديزيماني لا reçu il a fait l'Isra al-Mi'raj et la salat elle a été rendue obligatoire. Amma les trois dernières années de Mecca, la salat elle était obligatoire. قال وإنما أمر بالصلاة قبيل الهجرة في ليلة المعراج فلماذا تأخر الأمر بالصلاة. C'est ça la question qu'on doit se poser. Anta yuha al-Muslim, dès que tu lis la sirah, c'est ça que tu dois. C'est des choses comme ça que tu dois te poser. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a combattu les kuffars? Pourquoi kuffar Quraysh ils n'ont pas été d'accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi ils l'ont expulsé? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Mecca? Pourquoi la salat elle a été révélée 10 ans après? Pourquoi? Toutes ces questions, tu vas trouver la réponse dans ce petit livret qu'on est en train de faire. Petit à petit, on va les voir. Et tu trouves la réponse qu'elle allait dans Sira. Si tu médites bien, tu sauras pourquoi. قال من أجل أن يتأسس التوحيد لأنهم لو صلوا ما نفعتهم صلاتهم إلا مع التوحيد. نعم. لأن كما يذكر الشيخ الفوزان la but ils basent leur croyance sur des fondements solides à tawhid amma hakada il fait salat alors qu'il continue à adorer une statue yarhamakallah ça lui sert à rien il tabe nafsa faqat fa al an anta avec tous ces exemples tu comprends que le mas'ala c'est le tawhid s'il est bon bi idnillah ça va t'aider s'il est mauvais abadan tu réussiras. Tu peux faire salat, le hajj, ce que tu veux, ça sera d'aucune utilité عند Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie elle montre à ça. 10 ans, il appelle à tawhid, فقط 10 ans. Après salat elle est venue. قال شيخ الاسلام ولم تفرد الا في ليله الاسراء سنه 10 بعد حصار الشعب وموت ابي طالب وبعد هجره الحبشه بسنتين. الان لا ست des événements ils sont مهمين. La salat elle a été rendue obligatoire après tout ça. Les sahaba ils ont fait le hijra. Aïe, l'Habasha, Abu Talib il est mort. Al-Hisar qui va expliquer sur le Fawzan il a dit. Après tout ça, la salat elle a été rendue obligatoire. Et toutes ces choses là, pourquoi ils ont fait le hijra? Vous allez voir que c'est parce que le prophète il a appelé au tawhid. Kuffar ça leur a pas plu, ils les ont combattus, ils ont été obligés de sortir. Ils l'ont vu le hissar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il appelait au tawhid, il mettait en garde contre leur statut. Ouahakada. Toutes ces années, il n'y avait pas encore de salat. Pas encore de salat. Lien salat, sans tawhid, elle ne sert à rien du tout. Qala Cheikh al-Fawzan, innama furidat as-salat, laylat al-isra wal-mi'raj, fissana al-ashra min al-bi'tha, ay, ba'd, bi'tat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. La 10e année de l'Hijra. Qala wa qissat al-hissar, anna Rasulallah, al-hissar, ma'rouf, c'est le blocus. عدو الله أو أعداء الله على الوقت du prophète صلى الله عليه وسلم ils ont fait un hissar النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ils lui ont bloqué tout bloqué les vivres إلى آخره ils l'ont combattu ils ont voulu en finir avec lui لكن الله سبحانه وتعالى il est كريم قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك وكان المشركون يضايقونه ويضايقون أصحابه ف c'est quoi la cause? C'est pas الصلاة. Wallahi, le prophète عليه الصلاة والسلام, il aurait fait salat chez lui. Et les sahaba, ils font chez lui. Kuffar Quraysh, ils n'auraient jamais rien dit. Ça y est, ma'ana. Abadan. C'est exactement comme aujourd'hui. Vous remarquez que les kuffars qui combattent l'islam, Aliyam Kadari qui combattent par l'hissar, ils font des blocus, ils y a des embargos, ils mettent la pression au gouverneur, tout ça, c'est pour combattre l'islam. Et vous avez remarqué, en tant que le kuffar combattent l'islam, ce qui les dérange, c'est l'islam dès qu'il est apparent. Ce qu'il est apparent. Hatta, ils ont inventé la laïcité, l'ilmaniya, al-kafira. Ils ont inventé Hadi. Hey, tu fais ton dîn chez toi. Ça les dérange pas. Fais salat chez toi, fais ce que tu veux. Chez toi, eux, ça les regarde pas trop. Malgré que même ça, ça les dérange. Lakin, eux, ce qui les dérange encore plus, c'est dès que tu fais apparaître. Regarde. Maintenant en France, ils combattent l'Adan, c'est apparent. Ils combattent l'Hijab, c'est apparent. Ils combattent l'Aïd, c'est apparent. Va chez toi, fais des décrets toute la nuit. Personne ne te parlera. Abadan. Lakin, notre dîn, c'est pas un dîn à la maison, c'est tout. Notre dîn, c'est Aqida wa Sharia. Les gouverneurs, le peuple, dehors, à la maison, la mosquée, les écoles, tout ça nous c'est réglé par le Coran et la Sunna. Et les kuffars, ils combattent jiddan hada. Ils combattent beaucoup hada. C'est pour ça, eux, dans la rue, tu dois être laïque. Tout le monde fait ce qu'il veut et tout. Et chez toi, fais ce que tu veux. La femme chez elle, si elle veut mettre le sitar, elle le met. Hakada. Ça rentre pas plus l'aql. Kaif, la femme chez elle, elle va mettre le sitar. Il n'y a aucune utilité chez elle. Le sitar, c'est fait une chose pour le mettre dehors. Hey, pour que les étrangers ne voient pas la femme musulmane. Hada. Eux, ils l'ont combattu. Là, elle n'a pas le droit. Ils disent non, on ne combat pas l'islam. Elle fait chez elle. Sitar, c'est une ibada, ça doit être dehors. C'est tout pour ça. Eux, vu qu'ils ne savent pas comment faire, laïcité, intahina. Sallallahu alayhi wa sallam. Hakada à l'époque du prophète, alayhi wa sallam. Vu que le prophète, alayhi wa sallam, il allait autour de la Kaaba, il mettait en garde. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ils l'ont combattu. Hatta, ils sont arrivés à un niveau, ils ont dit à Rasul, alayhi wa sallam, on te marie avec la plus belle femme de Quraysh. Tu deviens le roi de Quraysh. Ils lui ont proposé d'être le roi. C'est lui, Malik Quraysh. Rien que tais-toi. Le prophète sallam, il a dit, Wallah, si vous mettez le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, Wallah, je ne me tairai pas. Ma'ruf, la biographie du prophète sallam. Même toi, Yuhas Sunni, demain, fais ta salat chez toi, ou à la mosquée, et fais ton dîme par la personne. Wallah, tu vas voir, ils vont dire, Hada, bien. Ils vont dire, Hada, tayyib. La mosquée, ils vont dire Hada Tayyib, chez toi, ils vont dire Mashallah, tout le monde, mais c'est pas ça le dîn. Le prophète il dit Marra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Et là, ça va venir les problèmes. Lakin sunnatullah fi khalqi. Le prophète sallam, on dort, il n'a pas été épargné. Hisar. Nahnou, prends l'exemple, le hisar qu'on a eu à Dammaj. Mais hada al-bab. C'est quoi qui les a dérangés? Maintenant, Cheikh Yahya, il ferait comme certains ils font. Il fait son dars, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'a l'imam Bukhari, il a huna. Ni amr bil ma'ruf, ni na'im munkar, il parle sur personne, il a akhiré. Ils ont dit, ah, Mashallah, ils sont bien là-bas. Ils sont modérés, ils sont. Lakin, vu que Cheikh Yahya, les rébellions contre les gouverneurs, il a mis en garde. Le khourouj qu'ils ont fait au Yémen et dans les autres pays, il a mis en garde. Les Mubtadi'a, il met en garde. Les Rawafid, il met en garde. Micro, toute la région de Sa'da, l'entend. Ça lui a fait des problèmes. Hafidahullah. Il a hissar, ils ont fait le blocus, il a akhiré. Que pour faire tomber cette da'wa, les anna la da'wa, elle pèse. Ça te montre. Anna cette tariqa, c'est tariqa al-rusul. Le chemin qu'il a pris, Hafidahullah, et le chemin que Cheikh Mokbel. Rahimahullah, qablahu, ils ont pris. C'est ça, tariqa al-rusul. Et Rawafid, ils ont employé la méthode de Kuffar Quraysh. Ça te montre, Anna, ils ont des ressemblances avec les Kuffar. Andor, la même, comme ils ont fait le Hissar au prophète Aïssa al-Salam, tais-toi. Haoula, ils ont fait le Hissar à Dammaj, taisez-vous. Neuf ce chez. Fa ta'ammal. Ta'ammal la biographie du prophète sallam, tu vas tirer des fruits azim. Il va expliquer l'an, هذا الحصار قال وكان عمه ابو طالب يدافع عنه ويحميه من اذى قومه سخر الله له مع انه مشرك لكن الله جل وعلا سخره لنبيه يحميه ويدافع عنه. On va voir en détail la qissa d'Abu Talib. On va la voir, il va la citer. Pas besoin qu'on détaille l'an. قال فلما مات ابو طالب وماتت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وهما اللذان يدافعان عنه فسلط الكفار عليه زيادة وضيقوا عليه الخناق هو واصحابه كانه هو واصحابه يمك واو قال واو نور لا قال وضيقوا عليه الخناق هو اصحابه كانه يمك هو قال وكانوا من قبل قد حاصروهم في الشعب من شعاب مكة وقاطعوهم منعوا عنهم الأرزاق والبضائع ومنعوا التزوج منهم حاصروهم في هذا الشعب حتى آلمهم الجوع. انظر النبي صلى الله عليه وسلم il a connu هذا انهم ils ont fait un blocus un endroit de Mecca. Le prophète صلى الله عليه وسلم avec ses compagnons, plus personne se marie avec eux, plus personne commerce, plus rien. حتى ils ont goûté à la faim رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام. قال وكتبوا بذلك صحيفة وقعوا عليها وعلقوها في الكعبة لمقاطعة محمد ومن معه. حتى ils ont fait comme un contrat. Ils ont signé. Tout le monde coupe les liens avec Mohammed et ses compagnons. Et ils l'ont accroché sur le Kaaba. Est-ce que ça a fait du mal au prophète عليه الصلاة والسلام? ويمكرون ويمكروا الله والله خير الماكرين قال ولما مات الذي كان يدافع عنه فسنحت لهم الفرصة فاشتد أذاهم له ومن معه ومع هذا ما أمروا بالصلاة من بعثته إلى هذه الفترة لأن المقام قام تصحيح عقيدة قبل كل شيء. Toute cette période, ce qui s'est passé, le mal qu'ils font au prophète عليه الصلاة والسلام إلى آخره, il n'y a pas encore la salat. لأن المقام الآن c'est تصحيح عقيدة. Est-ce qu'ils vont accepter le tawhid ou pas? أما مثلا salat elle aurait été révélée. Mathalan. Enfin, quand ils auraient dit, ah, ma salat, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça, si tu veux, on l'a fait. Est-ce que ça va être, il va avoir une utilité? Ah, ben, je peux faire salat, tu n'as pas accepté al-rukn al-awwal. Le premier pilier, tu ne veux pas l'accepter. Enfin, ça ne sert à rien. Tout le reste, ça ne sert à rien. Enfin, c'était une période de aqidah. La bud. S'ils ont coupé l'aqidah, les autres, ça va, les autres choses, ça va suivre. قالوا ما اشتد أذاهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وضايقوه أمر من معه من ضعفة الصحابة ممن ليس لهم من يدافع عنهم أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. Et ça c'est le cinquième ou sixième point فيما أذكر سيأتي معنا. Le point de Abu Talib, pourquoi il ne s'est pas converti à l'akhir, il va citer un point. La hijra, il va citer un point. Enfin, nous l'un on lit et on expliquera. Dès qu'on arrivera à ces points. قال أمرهم بالهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملكا وهو النجاشي لا يظلم أحد عنده وهو نصراني إذ ذاك لكن لا يظلم أحد في أرضه هذه هي الهجرة الأولى. نعم. Ils ont fait la hijra. سيأتي معنا. C'est quoi qu'ils ont poussé à faire la hijra? لأن ils appelaient au tawhid et combattaient le shirk. فكفار ils ont combattu, ils ont été obligés de laisser Mecca. قال وفيهم عثمان وفيهم من أكابر الصحابة وذلك لأجل الفرار بدينهم وكان هذا سببا لإسلام النجاشي رحمه الله. نعم النجاشي le roi de الحبشة l'actuelle Éthiopie à l'époque dès que les صحابة ils ont fait l'hijra ça a été une cause qui les rentrait dans l'islam et le prophète صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إن أخ لكم مات أو نعم توفى أخ لكم اليوم. Le prophète sallam a informé les compagnons dès que le jour de sa mort, leur frère il est mort, ils ont fait salat sur lui. C'est un dalil, al-Najashi est mort à l'islam. قال حين سمع القرآن وسمع من الصحابة وهداه الله للإسلام فأسلم. قال وأرسلت قريش إلى النجاشي بهدايا ومغريات يقولون هؤلاء مارقون شاردون منا ردهم علينا فأبى أن يردهم عليهم فكذب الله ظن المشركين وعادت رسلهم خائبين. Ça te montre makr al-kuffar. Al-sahaba, ils ont délaissé Mecca. Une partie des sahaba, ils ont été al-habasha. Khalas. Normalement, le kafir, khalas, ils sont sortis. Qu'est-ce que tu veux de plus? Malgré tout ça, ils ont envoyé des émissaires al-habasha pour essayer de les reprendre. Ça te montre, anna wallah, al-kafir, même si tu fais l'hijra, il n'est pas satisfait. Bel, dès que tu fais l'hijra, c'est une des choses qui le dérange le plus. Ils ont fait l'hijra, ils les ont laissés. Ils ont envoyé un émissaire. À l'époque, Abu Sufyan, il a akhiré, ou Amr ibn al-As, et pour leur dire, il faut que vous les rendez. Ils ont fait kada. Lakin al-Najashi, Allah il l'a waffa, abadan il a rendu le sahaba, abadan. Bel, il les a protégés, hatta ils sont revenus eux-mêmes, c'est yati. Qala fa abaya raddahum alayhim, fa kadab Allah dhala al-mushrikin wa adat rusul mukha'ibin. Wa istamarra al-Najashi rahimahullah fi himayat al-muslimin, indahu ila an qayyad Allah al-faraj. Non. Allah subhanahu wa ta'ala il facilite à qui il veut. Ça y est, tu m'as dit, al-hijra en détail, on laisse pour les prochains points. Nakmil, on a bientôt fini le premier point, Nakmil. نعم قال رحمه الله فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة الآن يكونكلو بهذا si t'as compris que الصلاة elle a été révélée 10 ans après et tout ce que le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons ont subi comme épreuve que ça soit le blocus que ça soit l'hijra ils les ont chassés que ça soit les tortures c'est pour tawhid. Le tawhid qu'ils avaient et la mise en garde contre le shirk. Enfin, si tu as compris ça, tu vas comprendre la valeur du tawhid. Tu as compris ça par l'intermédiaire de quoi? De la biographie du prophète Aïssa. C'est ça le premier point. Qala Cheikh al-Fawzan, idha arafta hadhihi al-mas'ala wa hiya mas'alatun annahum ma 'adaw min al-'adawa. رسول الله صلى الله عليه وسلم وضايقوه وحاصروه هو واصحابه الا من اجل الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم. Tous les problèmes qu'ils ont eu, والله c'est illa bihada. Amma ils auraient dit مثلا faites votre dîn, nous on fait notre dîn. écoute, vous êtes à la khair, nous on est à la khair. Wallah, kuffar Quraysh, ils n'auraient jamais rien dit. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, ce que vous faites, c'est du kuff. Ce que vous faites, c'est du shirk. Laquelle est l'aqibat ou les taqwa? Il les a combattus et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le nasr. Enfin, notre dîn, ce n'est pas un dîn laïque. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous, c'est un dîn de tawhid. Mais un dîn laïque, chacun fait ce qu'il veut, on se respecte, il a akhiré. Ce n'est pas ça notre dîn. C'est pas ça notre dîn. Abadan, notre dîn, c'est un appel au tawhid et une mise en garde contre le shirk. Mais chacun fait ce qu'il veut, on est tous des frères, il a akhiré. Ça, c'est pas du dîn. Abadan. Qala. وإلا لو سالمهم وعبد ربه هو ومن يتبعه ومن يتبعه وتركهم ما قالوا له شيئا بل كانوا سيفرحون بهذا. C'est exactement ce qu'on vient de dire. أنهم si ils auraient fait leur dîn dans leur coin et le kuffar dans leur coin, personne n'aurait rien dit. Ben le kuffar, ils auraient été satisfaits. Ils auraient dit, il a sa voix, on a notre voix. Mais ce qui les a dérangés, c'est l'appel à da'wa. C'est ça qui les a dérangés. Pourquoi tu critiques nos statuts? Pourquoi tu critiques nos ancêtres? C'est ça qui leur a fait du mal. قال وهذه دعوة أهل الكفر اليوم يقولون دعونا نتعايش ودعونا نتهاود ولا تقولوا شيئا في ديننا ونحن لا نقول شيئا في دينكم وهم يكذبون لأنهم يحاربون الإسلام. C'est ça la دعوة العلمانية الآن ودعوة الديمقراطية. On est tous égaux, on est tous des citoyens. Fais ta religion chez toi, chacun fait ce qu'il veut chez lui, et dans la rue, on est tous des citoyens. On doit tous se soumettre à la démocratie. C'est ça qu'eux qui veulent, ils combattent l'islam. Avec ça, c'est des menteurs. Dès qu'ils disent chacun fait ce qu'il veut, ils mentent. Il y en a, ils te combattent. Ils combattent l'islam, comme à ta'lamoun. Si chacun fait ce qu'il veut, laisse-moi. Si une sœur, elle veut mettre le sitar, elle le met. Pourquoi tu combats hada? Ils combattent, les anna, ça fait partie du din. Demain, il y aura une mode, matalan. Une mode de se couvrir le visage, ça n'a rien à voir avec dîn, wallah, ils n'auraient jamais rien dit. Mais vu que là, le fait de se couvrir le visage, c'est une longue histoire. Une longue histoire, il y a des versets du Coran, il y a des hadiths et l'akhiré, ça les dérange, ils le combattent. Et avec ça, ils disent là, nous on respecte, tu respectes rien du tout. Tu respecterais, t'aurais laissé. Amal an, tu combats. Qala, wa hum yaqulun, antum la taqulu fi dinina shay'an, wa nahnu la naqul fi dinikum shay'an. Tu respectes les autres ils te respectent. Awalam, c'est des menteurs. Il y en a, eux, ils ne respectent pas. Abadan. Ils se sont moqués du prophète, ils ont kada, ils ont kada. Il n'y a pas de respect, c'est des menteurs. Awalam. Wa kadalik, on répète, antum la taqulu fi dinina shay'an, wa nahnu la naqulu fi dinikum shay'an, wa hum yuharibuna l'islam ala aqsa ma yumkin. Combattre l'islam économiquement, politiquement, géographiquement, tout ce que tu veux. Ils combattent l'islam. Layl naha. Laquelle ils ont pris cette tariqa? C'est la démocratie, chacun fait ce qu'il veut, et c'est des kadhab. قالوا وهم يحاربون الإسلام على أقصى ما يمكن ويقتلون المسلمين ويشردونهم وهم يقولون دعونا نتحاور ونتهاود. نعم. قال ولو أنه صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى التوحيد ولا نهى عن الشرك ما ثارت ثائرتهم. C'est ça la conclusion. فأنت avec ce point de la biographie, parce que tu as fait de la vie du prophète عليه الصلاة والسلام كذلك. Tu tires des leçons du comportement des kuffars, comme ils ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un nouveau système. Des nouveaux noms, c'est tout. Démocratie, laïcité, et c'est des menteurs. Ils harab l'islam, faqat. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, ayant sur l'islam ou les muslimin. Et demain, bi'idhnillah, on commencera le deuxième point. Subhanakallahu wa hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. مع تحية دماج affaire.com.